c'est la MyFi. It's a new day, it's a new life. I'm feeling. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 4 février 2022. Il est 22h à Montréal et vous êtes pile à l'heure pour votre rendez-vous avec la plus belle actualité des musiques de notre époque. Ce soir, nous poursuivons notre triptyque sur le thème « Depuis que nous nous sommes quittés », c'est-à-dire une sélection non exhaustive de ce qui s'est le mieux passé depuis que votre cher petit show radio était sur pause. La semaine dernière, nous sommes allés du côté du hip-hop et consorts. La semaine prochaine, nous irons vers les chansons à tendance plus classique et intemporelle. Et ce soir, nous nous arrêtons justement sur l'entre-deux, sur des chansons à tendance finalement plutôt pop, mais qui viennent d'ailleurs, qui sont nées de sources variées et de différents facteurs, qu'elles viennent des musiques traditionnelles, du rock, de la soul, du jazz, de l'électro ou du dub, qu'elles regardent vers le passé ou qu'elles lorgnent sur le futur. Elles ont en commun cette particularité de proposer une musique au caractère unique, puisque construite à la croisée des genres et des styles, et elles illustrent ainsi, chacune à leur façon, la bande-son de l'époque dans laquelle nous vivons. Vous êtes sur les ondes de CISM au 89.3 FM. Bienvenue dans la MyFi. God send children, keep your head up. Press your weight against the winds that try to throw you. This place is ugly, don't let it rob you. Of your face, of your grace and of your body. It's your world now. In defiance, we're sick and tired. Show your power, super power. Let the sweat from your smiles fall like rain and drench the world beneath you. Show your power, super power. Wash the world from your breath. Now it's time for action. In this dance, we dance together. On our streets, it's Armageddon. In this fire. Ouverture de ce nouvel épisode de La MyFi avec le premier long format d'un artiste typique de ce que je décrivais plus tôt dans l'introduction, un son qui oscille entre afrobeat, soul, punk et musique électronique, une voix qui slalome entre chant, rap et spoken word. Nous venons d'écouter God's Own Children, extrait du premier album de Obong Jayar, nigérien d'adoption londonienne que nous avions déjà croisé aux côtés de Little Sims ou Danny Brown. On poursuit sur cette même lancée, sur ces sons d'aujourd'hui qui convoque ceux d'hier pour créer ceux de demain. On continue de longer la racine soul, mais on visite maintenant différents acteurs de ces récentes ramifications. On commence tout de suite par un quatuor d'Atlanta qui avait fait forte impression lors de la parution de son premier LP en 2015. Les deux albums suivants, sortis en 2017 et 2020, creusaient joliment le même sillon, mais comprenaient cependant moins de grands moments, à l'exception forcément de quelques titres qui ravivaient la flamme de leur première proposition. Nous écoutons Dispossession, extrait du troisième et dernier album en date de Algiers. Run around, run away from your America while it burns in the streets. I've been here standing on top of the mountain, shouting down what I see. Seen the pig with the pot but a confusion that he tried to release. Seen the sun coming over the horizon, straight across from the east. Seen the kings and the soldiers on the throne in Kasum. Wanna tell it to everybody on the ground, freedom is coming soon. Attracting fut un mystère longtemps préservé, mais le brouillard s'est peu à peu dissipé autour de l'identité des membres de ce collectif britannique et de son producteur et initiateur, un certain Inflow, notamment aux manettes des derniers albums à succès de Little Sims et d'Adele. Il est apparu avec son mystérieux collectif en 2019 en faisant paraître deux albums dans la même année. L'année suivante, il était déjà de retour avec deux autres albums, qui se retrouvaient d'ailleurs tous les deux dans nos meilleurs LP de 2020, soit quatre longs formats en deux ans, cadence soutenue qui s'enchaînera avec un cinquième disque en 2021, un dernier jet intitulé Nine et qu'ils offraient gratuitement sur leur site pendant 99 jours. Et le plus beau dans tout cela, c'est que l'ensemble regorge de petites bombes ici ou là, comme ce Monsters que nous venons de quitter, c'était le band Salt. Juste avant, nous avons croisé un autre artiste des plus prolifiques de ces dernières années, et le mot est presque faible tant les différents projets s'enchaînent à un rythme improbable. Et comme pour Salt, le plus beau ici aussi, c'est que c'est blindé de pépites. Dans ses albums perso de Soul Retro, sa résurrection des Delphonics, son duo d'albums avec Ghostface, le projet Prime avec DJ Premier, le retour de Souls of Mischief, j'en passe, et je ne parle pas de la multitude de singles, du Wu-Tang à Kendrick Lamar, en passant par Jay-Z, Common, Talib Kweli et bien d'autres. Il s'est lancé en mars 2020 dans une série d'albums collaboratifs intitulée Jazz is Dead, avec Ali Shahid Mohamed, membre du légendaire trio A Tribe Called Quest. À peine un an et demi plus tard, nous en sommes à 8 albums. Nous sommes passés par un extrait du second volume avec Roy Ayers en guest, c'était Adrian Young. On enchaîne et on bouge de Los Angeles à Londres avec un morceau de feu issu du second album paru en 2019 d'un trio formé notamment du producteur d'Analog, dont nous avons parlé la semaine dernière ici même, et du saxophoniste Shabaka Hutchings, fondateur de Sons of Kemet et musicien pour bon nombre de tout petits artistes, de Sun Ra à Heliocentrics. Voici The Comet Is Coming. new-yorkais qui affiche désormais 27 ans de carrière et une discographie riche de 9 albums et 3 EP qui sont absolument tous dignes d'intérêt, avec évidemment en point culminant l'éternel Misery the Butterfly de 2004. Nous venons de quitter We Should Be Holding Hands, dernier single en date paru en 2018 de Kazuma Kino et les frères jumeaux Pace, alias Blonde Redhead. On continue l'aventure et on passe à un triplé de chansons qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui se rejoignent néanmoins sur plusieurs points. Elles ont toutes en commun des accents à la fois rétro et contemporains, elles ont toutes en leur sein une originalité qui leur est propre, une singularité précieuse qui s'étale jusqu'à l'univers visuel de leurs autrices. Des artistes à part qui font donc des chansons uniques, on ouvre le bal du côté de l'Alberta au Canada avec les contretemps obscurs et enfumés de Lucifer Stand, extrait du troisième album de Cindy Lee. What was You can't have this. This is not real. I put this on to show you what you could have had had you not given your life to me. But you want to. Your mind falling through. And I remember just thinking that was the end. That was the end. I knew where to go. And I was walking down the hallway, and my daughter was spending the night at her friend's house that night. And I was walking down the hallway, and I walked into my living room, and I thought, you know, I can't live, and I can't die. I'm stuck, you know, and I'm in hell. I've asked Jesus to get me out, and he's left me here. And so in my mind, I decided that this is where I needed to be. This is where I belong. Satan's right. He is my fault. I should have never given my life to him. And right then, I became angry for the first time at Satan. And I sat there, I stood up, and I just verbally, just out loud said to Satan, I said, you know what? I know I'm in hell. I know this is your turf. But I tell you what, I will no longer be a willing participant. You and I are through. I am so done with you. And I don't know what happens if you get cast out of hell. But if you want to cast me out of hell, that's okay. And maybe I'll go into the afterlife or to whatever it's called, you know, into a nothingness, the abyss, forever. I don't care. I would rather spend eternity in nothing than spend eternity in thank you. night. Although her go-getter, she got the whole crew. Watch them blow and blow up. Yeah, yeah. I'm so glad to stay. Night on the mountain's gold. Yeah, hey. Night on the mountain. What? She got to hold cool. Hey. Croisé tout à l'heure le dernier single de Blonde Redhead, nous venons de quitter tout de suite un extrait de la belle échappée en solitaire de sa vocaliste, claviériste et guitariste, figure incontournable de l'indie pop des 20 dernières années, incarnation d'une sensualité fragile, toujours à la limite de la rupture, comme constamment malmenée entre le charnel et le spirituel et devenue icône bien malgré elle. Nous venons d'écouter Come Behind Me So Good, extrait d'Adult Baby, splendide premier album solo de la japonaise Kazuma Kino. Juste avant elle, nous sommes passés par une demoiselle californienne à l'univers tout aussi exceptionnel dont nous avions déjà parlé lors de la seconde émission. J'ai beau avoir souhaité éviter les doublons entre les deux séries rétrospectives qui ont guidé le début de cette nouvelle saison, je ne pouvais pas ne pas vous faire part de l'ovni que représente le second LP de cette artiste constamment déroutante dont chaque nouveau long format est un nouvel univers à part auquel on ne s'attend jamais vraiment. C'était le titre Under the Sun, extrait de Mazzy Fly, second album de Spelling, toujours avec 3 L. On continue la descente et on passe à une autre icône dans son domaine que beaucoup qualifient de synth-pop, mais cela va bien au-delà d'un unique cadre. Ils sont autant capables d'exalter nos dancefloors que de sublimer nos mélancolies. Ils n'avaient rien sorti depuis leur 7e et dernier LP de 2019, mais se sont prêtés fin 2020 à l'exercice de la compilation d'artistes qu'ils chérissent pour la série Late Night Tales. Et comme souvent dans ces cas-là, on y trouve pour notre plus grande joie quelques inédites mises de côté au fil du temps. Et parmi celles-ci se cache un titre qui va toucher un genre encore jamais abordé par le quintet londonien. Nous écoutons Nothing Change, le dub mélancolico-électro selon Hot Chip. Nothing's changed in over 18 years. Troubadour sings through a veil of tears. Waiting for a room to fill with friends. Nothing like the message that never sends. Stops where it starts. Starts where it baby, you're all that have taken you. It's cause baby, things can have taken you. It's cause baby, things can have taken you. It's cause baby, things can have. Baby, you're all that have taken you all. It's cause baby, things can have taken you all. It's cause baby, things can have taken you all. It's cause baby, things can have taken you all. It's cause baby, you're all that have taken you all. It's cause baby, things can have taken you all. It's cause baby, things can have taken you all. It's cause baby, things can have taken you all. Du britannique Kieran Hebden alias Fortet avec Baby, single issu de son 10e album en carrière paru en 2020, et c'est avec ses imparables mouvements de bassin que nous allons nous diriger vers le final de cet épisode de la MyFi. Nous nous quittons ce soir avec un énième ovni, montréalais celui-ci, un duo filles-garçons qui a construit son mini-studio à l'arrière d'une camionnette qui les a emmenés s'installer au beau milieu d'une forêt, loin de tout et de tous, pour créer et enregistrer les 4 titres qui forment ce premier EP à l'univers unique, hypnotique et enfumé, sombre et désenchanté, et dont l'émotion véhiculée pourrait convoquer le spectre d'autres bands hautement établies, de Portishead à Broadcast en passant par les débuts d'Archive. Je vous laisse sur un poignant moment résultant de la collaboration de Christophe Lamarche-Ledoux et Ariane M sous l'alias Lesser Evil. Là-dessus, rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e et dernier volet de notre série sous le thème « Depuis que nous nous sommes quittés ». D'ici là, playlist et podcast de cet épisode comme des précédents se retrouvent sur le CISM893.ca, sur iTunes et sur le hifsoul.com. Mon nom est Zikia et c'était la MyFi sur les ondes de CISM. Bonne fin de semaine à tous. Bye. Turns out you left me so you could chase her and now you're happy, and I'm still sad. My intuition had even alarmed me, but you can't compete with the virgin whore. My backbone turned weak, so I armored and roared, and even the world, who couldn't even stop me, kept giving me signs of your virgin heart. Company of whores, exhilarating illusion, passion soothing remorse, but your balls will have shriveled as your spirit goes cold, and the memory of me will get tossed out the door, 'cause you're still